moitié de table à carte. Tout se brille à bras quand il achète une embarque. Une poche trouée, une assiette fêlée, une tasse percée, un miroir cassé, un animal domestique, tout infesté de tiques. Ah, comme c'est excellent, allez vite, on le prend. Un boa empaillé, un poisson qui ne sait pas nager, un perroquet souris muet, feu chier têtu comme un mulet. Du jeudi au lundi, nous partons en expédition. Il n'est pas ni celui qui nous fera manquer notre chasse aux cochonneries. Chandelle sans mèche. Ben ici, s'il vous plaît, de magnifiques chiots sans nez. Un piano sans notes. Et ici, une guitare pas de manche. Une valise sans poignée.